إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، الحمد لله الذي جمعنا وإياكم مرة أخرى على طاعته، وأسأله عز وجل مزيدا من فضله. فهنا الله عز وجل لونج الله سبحانه وتعالى qui nous a réunis encore une fois dans son obéissance, et nous demandons à Allah سبحانه وتعالى de nous augmenter ses bienfaits. وقبل البدء بالكلام عن الفاروق رضي الله عنه وارضاه، أشكر إخواننا القائمين على مركز الفرقان على تهيئتهم هذه اللقاءات، كما أشكر إمام المسجد والقائمين على هذا المسجد إتاحتهم الفرصة لأبنائهم للاجتماع والتفقه في أمر دينهم، فجزاهم الله خيرا وجعل كل هذا في ميزان حسناتهم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا أنه لا يشكر من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فإن الله عز وجل avant de commencer à parler de Farouk, le deuxième calife de cette communauté, nous remercions nos frères qui sont les responsables du centre Al-Furqan d'avoir préparé ces rencontres, et nous remercions aussi l'imam de la mosquée ainsi que le responsable de l'association de cette mosquée d'avoir autorisé à leurs enfants et d'avoir donné l'occasion à leurs enfants et à leurs frères en Allah Azza wa Jal de se rencontrer dans ce lieu, et que Allah subhanahu wa ta'ala les comble de ses bienfaits, et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tout ceci soit dans la balance de leurs actes. Notre messager alayhi salatu salam nous a enseigné que celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis des gens n'est pas reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Fekhwat al-Islam, hadi shari'atul islamiyya shari'atun kamila وأحكامها جامعة لجميع شؤون العباد الدينية والدنيوية، فكل ما يصيب المجتمعات البشرية على اختلاف أجناسها وألوانها وتباعد أقطارها وكافة ما يحل الآن بالأمة الإسلامية من النكبات والمصائب ففي الشريعة الإسلامية علاج لها. فهنا الله عز وجل، la législation musulmane est une législation qui est complète. Les lois de cette législation englobent tout, toutes les choses de la vie de l'être humain, que ce soit ce qui concerne sa vie spirituelle, ses adorations, que ce soit aussi le mondain et sa vie normale. Tout ce qui arrive comme catastrophe dans les sociétés humaines qui existent à travers la terre, à l'est et à l'ouest de la terre, malgré l'éloignement et les distances qu'il y a entre les pays, et tout ce qui arrive comme catastrophe et comme perturbation dans le monde arabe et le monde musulman maintenant, son remède, il est dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son remède, il est dans le fait de revenir à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, à revenir à cette religion sur laquelle étaient les nobles compagnons radiyallahu anhum ardahum. والمخرج من كل هذه المصائب والفتن إخوة الإسلام يكون بشروط أن يكون الذي ينظر إلى شريعة الله سبحانه وتعالى ينظر بعين البصير، ويكون من المدركين لمقاصد الشريعة، ويكون من العارفين بمدلول ألفاظ الشريعة لكي يستطيع فهم النص الشرعي وإلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص، كما فعل الصحابة الإخوة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. فهنا الله عز وجل pour sortir de ces perturbations, de ces catastrophes, de ces impasses dans lesquelles on se trouve la communauté maintenant, il est obligatoire à celui qui veut sortir la communauté de cette impasse d'avoir une clairvoyance sur la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de connaître les buts de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir une forte compréhension, comme l'avait l'épuisé Allah alayhim, pour qu'il puisse arriver à donner le remède essentiel. Et pour qu'il ait, il faut qu'il ait la capacité de unir entre les situations sur lesquelles il y a des textes et les situations sur lesquelles il n'y a pas de texte. Comme l'ont fait les nobles compagnons du messager alayhi salatu wassalam. Donc, ceci veut dire tout simplement que pour sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes, nous devons revenir à la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons d'Allah. Nous devons revenir à leur voie et à leur compréhension et à leur mise en application. Sans ça, il n'y a pas d'issue. Il n'y aura pas d'issue. Il ne faut pas être comme ceux qui disent « Ceux-là, c'était des hommes de 9 mois et nous, on est des hommes de 9 mois. » Abadan. Il y a une grande différence. Il y a une énorme différence. فصحابة رسول الله رضوان الله عليهم حلت بهم مصائب جمة وكثيرة، ومع ذلك استطاعوا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل التمسك بالنص الشرعي ثانيا، وجعل النص الشرعي قائدا وهاديا ومرشدا لهم، بهذا استطاعوا أن يعالجوا كل قضية وكل نازلة نزلت بهم رضي الله عنهم وارضاهم، واستطاعوا أن يأخذوا الدرس من النوازل وأن ينتفعوا منها وأن يدفعوا المضار رضوان الله عليهم، وأن يسلموا من الإثم كذلك رضي الله عنهم وارضاهم. وأن الله عز وجل les nobles compagnons رضي الله عنهم à leur époque après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام, ils ont vécu beaucoup de catastrophes, mais ils ont su les gérer. Ils ont géré ces catastrophes. Comment ils les ont gérées? Ils ont fait que leur guide dans ces catastrophes et dans cette situation de fitna, etc., était la parole d'Allah et la sunna du messager alayhi salam. Avec ceci, ils ont su remédier aux lacunes, remédier aux problèmes, et remettre la situation à, et ramener la situation à la normale. Il y a eu beaucoup de situations qui leur sont arrivées. Et malgré tout ça, de ces fitnas et de ces situations, ils ont pris le bien, ils ont rejeté le mal. Ils ont été épargnés du péché non plus. لهذا إخوة الإسلام يجب علينا خاصة في هذه الظروف التي تمر بها الأمة أن نتدارس سير الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم ومنهجهم عامة ومنهجهم في النوازل خاصة ومواقفهم في كل هذا لأمور. C'est pour ça, il est obligatoire pour nous, frères en Allah, Azza wa Jal, maintenant encore plus, de nous pencher sur la biographie de ces nobles compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, sur leur voie générale, et les positions et la voie qu'ils avaient pendant le temps des catastrophes et des fitnes. Et leur position, pour beaucoup de choses, beaucoup de points, nous oblige à revenir à cette biographie. لماذا يجب أن نتدارسها ونتدارس منهجهم؟ لأمور أخرى، لسابقتهم في الفضل، لسابقتهم في الدين والإيمان. هم السابقون، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى ولا منازع في هذا، وهذه حكمة من الله عز وجل، والله يؤتي فضله من يشاء. On Allah Azza wa Jal, premièrement, pourquoi il faut se penser sur la vie des nobles compagnons d'Allah alayhim sur leur voie? Parce qu'ils sont les premiers de cette religion, la première génération de l'islam. Parce qu'ils étaient les premiers dans la foi, les premiers dans le sacrifice pour cette religion. Ce sont des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a élus. Il n'y a personne qui va dire le contraire. Et ça, c'est la hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala comble de son bienfait ce qu'il veut. Il comble qui il veut avec son bienfait. L'amr tani, lian Allah subhanahu wa ta'ala zakkahum. Zakkahum Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim. Wahada yakulul ulama dalilun ala taharati bawatinihim radiyallahu anhum wa ardahum. Wa salamati sarairihim radiyallahu anhum wa ardahum. Salamati sarairihim wa bawatinihim minal ghilli wal hiqdi wal hasad. Deuxièmement, pourquoi il faut se pencher sur leur biographie? Parce qu'ils ont reçu l'éloge d'Allah Azza wa Jal. Ils ont reçu l'éloge du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une preuve, disent les hommes de science, comme quoi ils étaient purs au niveau de leur intérieur. Et que leur intérieur était pur et qu'il n'y avait ni haine, ni jalousie, ni dans leur cœur. Radiallahu anhu wa ardahum. L'amr talit, ikhwat al-islam, liannahum asaru al-tanzil. وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحل وفي الترحال رضي الله عنهم وارضاهم يرون أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون أقواله فهم أبصر الناس بتفسير الوحي وتفسير السنة وأدرى الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Troisièmement, frères, Allah عز وجل, parce qu'ils ont vécu la révélation. La révélation est descendue à leur époque. Radiallahu anhum wa ardahum. Et ils étaient avec le prophète pendant le voyage. Et au moment où il était en résidence. Là où il était le prophète, que ce soit en voyage, soit en résidence, ils étaient avec et à ses côtés. Ils voyaient directement les actes du prophète. Et ils entendaient directement les paroles du messager. Donc ce sont les gens. Ce sont des gens, ces nobles compagnons, ce sont les gens qui ont, qui comprennent mieux la révélation, que ce soit le Coran ou la Sunna. Et qui connaissent mieux ce que voulait le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'amr rabi, ikhwat al-islam, mahabbatuhum. والسير على منهجهم لسلامة المعتقد لكي يسلم لك معتقدك يجب أن تحبهم وأن تسير على منهجهم والدعي إلى الله إذا أراد أن يسلم منهجه في الدعوة يجب أن يتضلع في سيرة أولئك الأخيار وأن يحبهم وأن يكون على الطريق الذي كانوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. Quatrièmement, frère, Allah Azza wa Jal, c'est qu'il faut les aimer. Il faut être sur la même voie qu'eux. Pour avoir une aqidah saine. Et pour être sur une voie saine. Tu veux être sur une aqidah saine, sur des croyances saines. Tu veux avoir une croyance et une interprétation saine de cette religion. Et être sur une bonne voie, il faut que tu sois, tu les aimes. Et que tu prennes le chemin qu'ils avaient pris, radiallahu anhum wa ardahum. Et aussi, il est obligatoire pour le prêcheur qui prêche pour Allah subhanahu wa ta'ala, de les aimer et d'avoir une grande connaissance de ses nobles compagnons et de leur voix pour que sa voix dans la da'wah soit pure, qu'il n'y ait pas de lacune dans sa da'wah. Radiallahu anhu wa ardahum. Khamisan, l'anna wahadat nawazil wa masa'ib kabira wa alima. في زمنهم فكانوا أهلا لمقابلتها وكانوا أهلا لدلالة الناس على المخرج السليم منها فكانوا بذا وذاك بعد الأنبياء والمرسلين أحق من نعرف سيرهم وندرس منهجهم القويم وفهمهم السوي لكي نسير على طريقتهم رضي الله عنهم وارضاهم. Cinquièmement, c'est parce que, à leur époque, il est arrivé beaucoup de catastrophes. Et beaucoup de situations qui étaient douloureuses. Pas le fait, la mort du prophète, alayhi sallam, il lui trouvait un remplaçant. Et ils étaient dignes de faire face à ces catastrophes et à ces situations difficiles. Et ils étaient dignes de guider les gens vers l'issue, vers la bonne issue, la issue sûre, pour être épargnés de ces catastrophes et s'en éloigner. Et ils étaient avec ça, après les messagers d'Allah, Azza wa Jal, les personnes qui est et de notre devoir de connaître leur voix, de connaître leur biographie, hein, et de connaître leur compréhension de cette religion, pour pouvoir suivre leur chemin, radiyallahu anhu wa'adham. فمن رام سبيل الإصلاح الآن في هذا الزمان نتكلم عن الإصلاح والتغيير والذي يريد سبيل الإصلاح وسبيل التغيير إلى الأحسن ومنهجه مخالف لصحابة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم ومن سار على دربهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين فإن دعوته في ضلال وإلى ضلال وكيف لا يكون كذلك وهو قد خالف سبيل قوم عاصروا التنزيل وعرفوا مواقع التنزيل وعرفوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم وتعاملوا مع قضايا عظيمة ونوازل جسيمة وخرجوا منها بالمخرج الصحيح وقادوا الأمة إلى بر الأمان رضي الله عنهم وأرضاهم. Et maintenant, frère, on a Allah, Azza wa Jalla, on est à une époque où on parle beaucoup de réformes, de changements. Si quelqu'un appelle à la réforme et au changement, et il n'est pas sur la voie des nobles compagnons, Ridwan Allah alayhim, et de ceux qui les ont suivis à la perfection, ben celui-là, sa da'wa, sa réforme, son changement, va être dans l'égarement et pour l'égarement. Dans l'égarement et pour l'égarement. Et ça ne peut pas être autrement. Car il a été en divergence et sur une voie qui est contraire à une génération qui a vu la révélation et qui a vécu la révélation et qui a su pourquoi ce verset a été révélé. Et qu'est-ce que voulait dire Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam par cet acte, par cet ordre? Et il leur est arrivé des situations catastrophiques, ils ont su en sortir et ramener la communauté vers la paix et vers la quiétude et vers la voie de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. فعندما تنظر بعين البصيرة وعين الباحث عن الحق في الحركات حركات الإصلاح الموجودة الآن ترى اختلاف مناهجها وطرقها فتدرك الفرق الكبير والبون الشاسع بينهم وبين منهج الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. Et quand tu regardes maintenant, tu jettes un regard sur ces voix qui se lèvent maintenant pour la réforme, hein, et pour l'activisme musulman, etc., pour la réforme, pour le changement, etc. Tu vois combien leur voix est en divergence avec la voix des nobles ailleurs, qui sont les nobles compagnons. Voilà la différence, c'est énorme à l'islam. Entre eux, ce qu'ils disent, et la voix des nobles compagnons. وأمر العلاج أخي الإسلام هو الفهم السليم لهذا الدين وهو الفهم الذي كان عليه صحب رسول الله رضي الله عنه وارضاه. Et le seul remède qui existe à la situation, c'est la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons رضوان الله عليهم et la compréhension qu'ils avaient رضوان الله عليهم. Il n'y a pas d'autre remède. Impossible. On est une communauté qui est conditionnée. On ne peut pas. Notre liberté, elle est dans le fait d'être dans la voie des nobles compagnons, radiyallahu anhu mardahum. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés des véridiques et des hommes. Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire qu'il faut que tu prennes leur chemin. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من هؤلاء أخ الإسلام هؤلاء صحب رسول الله هؤلاء صحب رسول الله رضي الله عنهم وارضاهم الذين لم يبدلوا العهد الذي أخذه مع الله الذين لم يبدلوا دين الله الذين لم يغيروا المنهج الذي رسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah Azza wa Jalla, le verset, il te dit, il est des croyants, hommes, des hommes, il est des croyants hommes qui étaient véridiques avec le pacte qu'ils ont pris envers Allah subhanahu wa ta'ala. Certains parmi eux sont morts sur leur pacte et d'autres attendent. Ils n'ont rien changé. Ça veut dire qu'ils n'ont rien changé du pacte qu'ils ont pris avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas, comme disent les hommes de science, ils n'ont pas changé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien de tout ça. Tu sais qui c'est ceux-là, à l'islam, qui rentrent en priorité dedans? Ce sont les nobles compagnons de Muhammad alayhi salam. Ce sont ces hommes que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour la compagnie de ces. De son messager alayhi salam. Et pour faire triompher sa religion. Et pour triompher, faire triompher son messager alayhi salam. وهم الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتبع طريقهم. تريد رضوان الله أخ الإسلام. فرضوان الله منوط باتباع طريق صحابة رسول الله. ولكي تتبعها يجب أن تعرفها. Et frère Allah, Zawajal, sache que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala s'obtient par le fait de les suivre et de suivre leur voie. Et pour pouvoir les suivre, il faut que tu les connaisses et que tu connaisses leur voie. Pour avoir, tu veux l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es obligé de les connaître et de connaître leur voie, la voie sur laquelle, la voie qui leur a prévalu, là, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم ورضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, أنت من السابقين؟ لا. أنت من الأنصار؟ لا. فالسابقون الأولون هؤلاء رضي الله عنهم بدون شرط. أما الذين من بعدهم فيجب أن يتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان. اتباع في ماذا؟ في العقيدة, في المنهج, في السلوك, في الأخلاق, في التجارة, في الفهم لهذا الدين, في تطبيق هذا الدين. حتى من لقي الله وهو يحب صحابة رسول الله وهو على منهج صحابة رسول الله فهنيئا له برضوان الله عز وجل. Tu veux l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, frère, en Allah عز وجل, t'as pas d'autre chemin. Il faut que tu passes par leur chemin. Il faut que tu prennes leur chemin, donc il faut que tu le connaisses. Le verset, il dit clair, les premiers parmi ceux, les muhajiroun, c'est-à-dire ceux qui ont quitté la Mecque vers Médine pour sauver leur religion et pour faire triompher la religion d'Allah. Et les alliés qui les ont accueillis à Médine, hein, jusqu'à preuve du contraire, ni moi ni toi ne sommes des muhajiroun ni des ansar. Hein? Donc ceux-là, dont le verset, Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés sans condition, parce qu'ils ont ramené les conditions. Il reste une troisième catégorie. Et ceux qui les suivent à la perfection, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, et eux ils agréent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. Ça veut dire, akh al-Islam, tu veux avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu prennes le chemin d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, de Muawiyah, d'Abu Huraira, Abdullah ibn Abbas, Aisha, et ainsi de suite. Et les nobles compagnons, les autres nobles compagnons. C'est tout. Heureux celui qui rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, aimant les nobles compagnons et étant sur le chemin de ces nobles compagnons. Cela, il sera dans le comble du bonheur. Et il aura vécu sa vie dans une quiétude énorme dans ce bas-monde. Sans perturbation. Wa khasira ad-dunya wal akhirah man laqiya Allah wa huwa ala ghayri sabili sahabati rasulillah. Il a perdu le bas monde et le delà, celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, il n'est pas sur le chemin des nobles compagnons radhiyallahu anhum. قال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. يقول العلماء رحمه الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له وصلك الدليل فشققت أخذت طريقا آخر غير طريق رسول الله وهذا كافي لأن يهلك الإنسان. ولكن زاد الله سبحانه وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمؤمنون الأولون الذين يدخلون في الآية والذين نزلت وهم حي أحياء أمام رسول الله هم صحابة رسول الله. ويتبع غير سبيل الصحابة ماذا؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Et il a perdu la grande perte, celui qui rencontre Allah sans être sur le chemin de ses nobles compagnons. Le verset il est clair. Il dit celui qui prend une autre voie que la voie du messager après avoir reçu l'épreuve et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants. Et si les croyants, quand le verset était descendu, qui était là? Qui était là? Sinon le muhajirun ou l'ansar? Sinon les nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu wasalam? Donc c'est eux en priorité qui rentrent dedans et qui suit un autre chemin que le chemin des nobles compagnons ridwanullah alayhim. Nous allons lui faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché alliance et sa demeure sera le feu de l'enfer. Clair et net le message. Clair et net la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le gain, l'agrément d'Allah est dans le fait de s'accomplir et d'accomplir sa vie dans la voie des nobles compagnons ridwanullah alayhim. La perte dans ce bas monde et dans le delà et dans le fait d'être sur un autre chemin que le chemin des nobles compagnons radhiyallahu anhum. Fa la bud wa hadi al awqat wa nahnu fi zaman katulat fihi al fitan an natadalla fi manhaj sahaba rasulillah kayfa kanu yata'amaluna ma'a an-nusus وأن نربط هذا كله بواقعنا المؤلم الآن وهذا كله إسهام في طريق الإصلاح لكي يكون إصلاحنا على الطريق الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى ونصحا لأنفسنا ها؟ نصحا لله ولكتاب الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ولأئمة المسلمين ولعامة المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ها وكررها ثلاث مرات صلوات ربي وسلامه عليه. Donc le fait d'apprendre et de concentrer surtout à notre époque nos études sur la voie des nobles compagnons رضي الله عليهم et de lier leur position et leur interprétation de la parole d'Allah et de la sunna du prophète à notre quotidien douloureux que nous vivons maintenant, ceci est un moyen par lequel on peut arriver à la bonne réforme. On lie notre situation et on regarde comment ils étaient dans les périodes catastrophiques, comment ils ont agi ces nobles compagnons, parce que c'est la seule issue à nos problèmes, elle est là. Hein? Et le fait de faire beaucoup de cours là-dessus, ceci, c'est remplir le devoir du conseil. Le conseil dont le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion c'est le conseil, la religion c'est le conseil. Hein? Et quand les compagnons lui ont demandé pour qui, il dit pour Allah, pour le livre d'Allah, pour le messager d'Allah, pour hein, les imams, les gouverneurs et les hommes de science de cette communauté et pour le commun des musulmans. ولنكن صرحاء إخوة الإسلام مع أنفسنا ومع أمتنا. فالذي تعانيه أمتنا اليوم لا يمكن أن يتغير بالمسيرات والمظاهرات والاعتصامات والثورات والديمقراطية وحكم الشعب أبدا. نحن أمة مقيدة بشرع الله بكتاب الله وبسنة رسول الله وبمنهج صحابة رسول الله. Et qu'on nous soyons clairs avec nous-mêmes, frères en Allah Azza wa Jal. ce que vit notre communauté, que nous soyons clairs avec nous-mêmes et avec notre communauté, ce que subit notre communauté maintenant et les difficultés dans lesquelles se trouve notre communauté maintenant, son remède n'est pas dans les manifestations, n'est pas dans les sittings, n'est pas dans les révolutions, ne sera pas non plus dans la démocratie, ni dans les lois données au peuple, etc. Abadan, nous sommes une communauté qui est conditionnée par le livre d'Allah, par la sunna du messager alayhi salam, et par la voix et la compréhension du noble compagnon d'Allah. C'est là notre issue. Si on cherche ailleurs, on va vers notre perte. أمتنا إخوة الإسلام اليوم تعاني من الانحراف عن منهج صحابة رسول الله. هذا المنهج الذي جعله الله سبحانه وتعالى ركنا من أركان الصلاة وجعل طلبه ركنا من أركان الصلاة، إذا لم تدعو به لم تتم صلاتك أخ الإسلام. فهنا الله عز وجل notre communauté souffre maintenant du fait d'avoir dévié de sauf sur Allah subhanahu wa ta'ala comble de sa sainte miséricorde, hein, d'avoir dévié de la voie du noble compagnon radiyallahu anhu mardahum. Cette voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire dans les prières, il a fait obligatoire que dans toutes tes rak'ahs tu demandes cette voie là et si tu ne demandes pas, tu ne fais pas ce dua à être sur la voie du noble compagnon radiyallahu anhu, ta prière n'a pas eu lieu. ألا تقول أخ الإسلام في الفاتحة يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فما هو هذا الصراط المستقيم فاسمع لربنا عز وجل يبين لك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من هم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الأنبياء صديقون وصالحون وشهداء ويأتي بعد الأنبياء صديق هذه الأمة الأكبر أبو بكر وصحابة رسول الله كلهم صديقون ويأتي في الشهداء صحابة رسول الله هم الأولون وفي الصالحين كذلك هم الأولون إذا أردت أن تكون من المنعم عليهم أخ الإسلام فيجب عليك أن تتبع صحابة رسول الله فاتباع صحابة رسول الله ليس من باب الاستحباب هذا من باب الواجب أخ الإسلام من باب الواجب أنت تطلبه في كل صلاة وجاء عن أئمة التفسير كالإمام الطبري وغيره اهدنا الصراط المستقيم قال الصراط المستقيم محمد عليه الصلاة والسلام قال الصراط المستقيم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا ها؟ وقال رسولنا صلى الله عليكم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد عليكم بمنهجي ومنهج الخلفاء الراشدين ويقول العلماء أن ذكر الخلفاء الراشدين ولكن كل صحابتهم هم خلفاؤه في تبليغ دينه ها فاتباع الصراط المستقيم واتباع منهج صحابة رسول الله هذا من الواجبات أخ الإسلام هذا من الواجبات فهم الصحابة عقيدة الصحابة أخلاق الصحابة معاملات الصحابة هذا من الواجبات أخ الإسلام فهنا الله عز وجل dans chacune de nos prières on demande il est obligatoire pour nous on ne peut pas faire autrement si notre communauté souffre maintenant du fait d'avoir dévié de la voie du noble compagnon radhiyallahu anhu sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a couvert de sa sainte miséricorde Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire pour nous pour que notre prière soit complète que nous devons demander la voie du noble compagnon dans chacune de nos rak'at guide-nous sur la voie droite la voie de ceux que tu as comblé de tes bienfaits si tu ne fais pas ce dua ta prière n'a pas eu lieu et la voie cette voie là Comment tu peux la connaître? Allah subhanahu wa ta'ala te l'a fait connaître dans notre verset. Et celui qui obéit à Allah et au messager, hein? Ceux-là seront parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits. C'est ce que tu demandes dans ta prière. Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblé de tes bienfaits. Quels sont ceux-là, le verset te le dit? Parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux, qu'il bonne compagnie avec la compagnie de ceux-là. Hein? Les prophètes sont véridiques par excellence, sont des martyrs par excellence, ce sont des vertueux par excellence. Et après eux viennent les nobles compagnons de Mohammed a.s. dont les véridiques, ils sont tous véridiques, radiyallahu anhum ardahum. Et la tête des véridiques dans la communauté humaine après les prophètes a.s., Abu Bakr radiyallahu anhum ardahum. Compagnons de Mohammed a.s., beaucoup hein, ont été martyrs. Ils sont vertueux tous, radiyallahu anhum ardahum. Donc tu es obligé. L'imam des exégètes du Coran, Imam Ibn Jarir al-Tabari, quand il a parlé de Salat al-Mustaqim, il a parlé de Muhammad, c'est Muhammad alayhi salatu salam, c'est aussi Abu Bakr et Omar. Et ceci, ça va dans le même sens. Rasulullah n'a-t-il pas dit, dans le hadith de l'Irbad ibn Sariya, comprenez-vous à ma voix et la voix des khalifs bien guidés? Qui sont les khalifs bien guidés? Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Et les hommes de science vont très loin. Ils disent que tous les nobles compagnons, ce sont des khalifs dont, du messager alayhi salam, dont la transmission de la religion d'Allah. Donc nous devons nous cramponner à cette voie. Wa qala rasuluna sallallahu alayhi wa sallam. Mana alayhi al-yawm wa ashabi. مانع عليه اليوم وأصحابه مانع عليه اليوم في العقيدة في التطبيق في الأخلاق وأصحابي أي صحابة رسول الله. Et notre prophète عليه الصلاة والسلام a dit dans le hadith du groupe, le groupe qui va être sauvé, ceux qui seront sur la même voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons aujourd'hui. Sur les croyances de Mohammed alayhi salatu wasalam, de ses nobles compagnons, la compréhension de ses nobles compagnons, et ainsi de suite. Hada, c'est ce qui va ramener la réforme et l'issue pour être sauvé dans ce bas monde et dans le delà, c'est là, tout simplement, ce sirat mustaqim, cette voie des nobles compagnons. Fait tghyir wa akhal islam, wal islah yabda'u bil rujou' ila ma kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alam yaqul alayhi salatu wasalam, mana alayhi al-yawm wa ashabi, wa huwa as-sadiq al-masduq, radiyallahu salawatu rabbi wa salamu alayhi. ورحم الله إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله وغفر له قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. Donc le changement, la réforme se fait avec le fait de revenir à la voie sur laquelle était Mohammed عليه الصلاة والسلام et ce noble compagnon رضوان الله عليه. C'est lui qui a dit la voie sur laquelle je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. Et que Allah subhanahu wa ta'ala comble de sa sainte miséricorde l'imam Malik rahimahullah ta'ala qui a dit ne fera le bien de la fin de cette communauté que ce qui a fait le bien du début de cette communauté. Qu'est-ce qui a fait le bien du début de cette communauté? Sinon, cette façon de pratiquer la religion et de la propager qu'avaient les nobles compagnons ridwanullah alayhim et ceux qui les ont suivis à la perfection avant l'imam Malik rahimahullah ta'ala. لذا إخوة الإسلام وجب علينا أن نغير ما بأنفسنا لكي يغير الله سبحانه وتعالى الأحوال إلى الأفضل. والتغيير ما بأنفسنا يكون بالرجوع إلى الدين الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. يكون بالرجوع إلى ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام رضوان الله عليهم. C'est pour ça, frère en Allah, Azzawajal, nous devons changer nous-mêmes. Le changement il commence par tout un chacun de nous, akhal islam. Détrompe-toi. C'est pas, tu ne dois pas commencer par les autres, par toi-même. Nous devons changer nous-mêmes. Et comment se fait ce changement? Pour revenir à la religion sur laquelle était Muhammad alayhi salam et ses nobles compagnons. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala après change pour nous la situation au mieux. La yughayyiru Allahu ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. La yughayyiru Allahu ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ay lam taqul la yughayyiru Allahu ma biqawmin hatta yughayyiru ghayrahum abadan, walakin qalat la yughayyiru Allahu ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ay taghyir yabda' min kulli fard. Tataghayyar anta akha al-islam. وتغير من حولك ممن هم تحت إمارتك وتحت ولايتك، زوجتك، أبناؤك، أولادك. Et le verset il est clair, à l'islam, il dit Allah ne change rien pour un peuple tant que pour des gens, tant que ces gens ne changent pas eux-mêmes. Donc le verset il est clair. Rien ne sera changé pour les gens si eux ils ne changent pas. Le verset il dit pas rien, Allah ne change rien pour des gens jusqu'à ce qu'ils changent les autres. Abadan, abadan. Le changement doit se faire par nous-mêmes d'abord. Nous devons commencer par nous-mêmes et par ceux qui sont sous notre tutelle et sous notre responsabilité, qui sont nos femmes, nos enfants et ainsi de suite. Et pas laisser Shaitan jouer avec nous, les autres. Et toi? Et moi? فيجب على كل واحد منا أخ الإسلام أداء الحقوق الواجبة عليه. نحن في عالم الآن الناس تطلب الحقوق ولم تؤدي الحقوق التي عليها. Il est obligatoire pour nous, et frères en Allah, Azzawajal, pour tout individu parmi nous, dans cette communauté, de s'acquitter de ses devoirs et de ses obligations. On est dans un monde maintenant où les gens demandent leurs droits. Mais ils ne s'acquittent pas de leurs devoirs, à l'islam. Comment tu demandes ton droit et tu ne t'acquittes pas de ton devoir ? وَأَعْضَمُ هَذِي الْحُقُوقُ وَأَجَلُّهَا وأساسها كلها حق ربنا عز وجل. حق ربنا عز وجل. Et le plus important et la base des bases de ces droits duquel nous devons nous acquitter, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus important. فلازم أن يؤدي كل منا ما أوجب الله عليه قبل أن يشتغل بمطالبة حقه. Il est obligatoire pour tout un chacun de nous de s'acquitter de ses devoirs avant de demander ses droits. Nous devons nous acquitter de nos devoirs d'abord avant de demander nos droits. لأن العلاقة بين أداء الواجبات وضمان الحقوق علاقة متلازمة. Car la liaison entre le fait de s'acquitter de ses devoirs et la garantie de tes droits, l'une est imbriquée dans l'autre. Tu t'acquittes de tes devoirs, tu auras tes droits. Tu t'acquittes pas, ben tu n'auras pas. فحين يؤدي كل فرض منا ما عليه يضمن تلقائيا حق الآخر كذلك. Plus que ça, c'est quand chacun de nous, chacun individu dans cette communauté s'acquitte de ses devoirs, il est obligatoire qu'il donne les droits aux autres. خذ مثلا واجب الحاكم وحق المحكوم. إذا قام الحاكم بواجبه أدى حق المحكوم. Tu prends par exemple quand le gouverneur s'acquitte, remplit son devoir, ben il a quoi? Il a donné le droit à ses populations. وواجب المحكوم هو حق للحاكم. Et quand la population s'acquitte de ses devoirs, il s'est acquitté des droits du gouverneur. Tout est impliqué, tout est imbriqué l'un dans l'autre. واجب الرجل هو حق للمرأة. إذا قام الرجل بواجباته قام بحقه على لمرأته. Et le devoir de l'homme, c'est un droit à la femme. Donc quand il s'acquitte de son devoir, il a accompli le droit de sa femme. وواجب المرأة هو حق للرجل. Et le devoir de la femme, c'est le droit de l'homme. Donc quand la femme s'acquitte de son devoir, hein, il a ramené le droit de son mari. واجب الأسرة هو حق للأبناء. Et les devoirs de la famille, ce sont des droits des enfants. Donc si la famille, le père et la mère s'acquittent de leurs devoirs, en réalité ils ont rempli les droits des enfants. Et واجب الأبناء هو حق للأسرة. Et les devoirs des enfants, c'est le droit de la famille. Donc quand ils s'acquittent de leurs devoirs, ils auront plus leurs droits. Et ainsi de suite. واجب المش... هذا المشغل هو حق للعامل لو باترون لي دووار دو باترون سو سون لي دووار دو دو لوفريي ها واجب الاجير هو حق للمشغل لي دووار دو لوفريي سي لو دووار دو باترون اي انسي دو سويت وهكذا اخ الاسلام جميع الحقوق تنبني على اداء الواجبات فترك الواجبات سبب للأزمات وللفتن وكيف يصلح أمر إذا أكثر كان أكثر المشتغلين بمطالبة حقوقهم مقصرين في أداء واجباتهم أخي الإسلام وعلى رأسها حق العباد حق رب العباد وصدق من قال ما يصلح الملح إذا الملح فسد ماذا سيصلح ها Il y en a ainsi, frère en Allah, Azzawajal, les droits sont imbriqués les uns dans les autres, et le fait de s'acquitter, les droits découlent du fait d'avoir rempli son devoir. Le fait de délaisser ses devoirs est une cause pour arriver à la catastrophe, et à l'impasse, et aux difficultés. Comment une chose ou une voie pour être bien compte beaucoup que ceux qui demandent ce changement, ils demandent des droits, eux ils négligent beaucoup de droits, ils demandent des droits. Et eux ils négligent beaucoup de devoirs, ils demandent des droits. Comment ça peut être bon? C'est impossible, Harry. Hein? Ça ne peut pas marcher. Et parmi les grands devoirs dans lesquels hein, un certain nombre sont tombés, c'est la négligence des droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il a dit vrai celui qui a dit qu'on, à quoi ça va faire, à quoi ça va servir, qu'est-ce qu'il va faire, le sel contre le sel et les mauvais. Le sel et les mauvais, à quoi il va servir après? La même chose, quand quelque chose est basé sur du mauvais, ben il ne donne que du mauvais. Quand ceux qui veulent le changement négligent, ils veulent des droits, ils demandent des droits. Et eux, ils ne s'acquittent pas de leurs devoirs. Impasse. L'impasse à l'islam. Walida ayyuha al-shabab. Wajaba alaykum. An tanduru kayfa qama sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bil islah. وبماذا بدأوا؟ وهل بدأوا بالحكام والأنظمة والاقتصاد والسياسة أم بدأوا بأنفسهم؟ C'est pour ça, vous les jeunes, hein? Il est obligatoire pour vous que vous regardiez comment les nobles compagnons de Mohammed alayhi salatu wa salam ont accompli la réforme. Et avec quoi ils ont commencé? Et d'où ils ont commencé? Est-ce qu'ils ont commencé par les gouverneurs? Et par la politique? Par le social? Par l'économie? Ou ils ont commencé par eux-mêmes? Hein, réfléchissez. Et jetez un regard de quelqu'un qui cherche la vérité, qui veut la vérité, pour la vérité, pour suivre la vérité. Jetez un regard et une lecture ainsi sur la biographie de ces nobles compagnons, radhiyallahu anhum, et de ceux qui les ont suivis à la perfection. وقلت أيها الشباب لأن مرحلة الشباب أمرها أمر عظيم وهؤلاء الذين خرجوا في أقطار الدنيا اليوم كلهم شباب وهؤلاء الذين يطالبون بالتغيير اليوم كلهم شباب et j'ai dit vous les jeunes parce que la période de la jeunesse est quelque chose de très important et ceux qui sont sortis dans les ruelles de beaucoup de pays Hein? Ne sont que des jeunes. Et ceux qui demandent le changement et la réforme ne sont que des jeunes. Hein? C'est pour ça. Et vous êtes des jeunes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve votre jeunesse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que votre jeunesse se passe dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et dans la voix de Muhammad alayhi salatu salam et la voix de ses nobles compagnons radiallahu anhu mardahum. Fashababu le mujtama'at. إذا كانت نشأتهم على علم شرعي مستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن فهم ومنهج صحابة رسول الله فهذا أعظم الظفر ومن أعظم أسباب النصر لا لهم فحسب بل لمجتمعاتهم كلها وللبشرية عامة. فهنا الله عز وجل لجنة لا جنس دي سوسيتي سي leur vie a été alimentée par la science de la législation qui est le livre d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète selon la voie et la compréhension des puissants d'Allah, ceci est l'un des plus grands gains, une grande réussite. Et parmi la plus grande et la plus géante des causes pour arriver au triomphe, non pas pour eux-mêmes tout simplement, mais pour leur communauté, pour l'humanité entière. وما أجمل ما قال الشاعر يذم شبابا أهملوا طلب العلم ونشأوا على غير تربية علمية. Et quelle est belle cette parole de ce poète qui a commencé à blâmer dans l'un de ses vers, dans l'un des poèmes, des jeunes qui ont délaissé la demande de la science, et ils ont grandi, ils n'ont pas grandi sur une science de la législation. إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورقة فدعهم عنك واعلم أنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمقى قد بدلوا بعلو الهمة الحمقى إسوسي. وهذا جاء في أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني رحمه الله تعالى. دي سبواتي دي كنت تفوى لجنس دان كارتي du quartier, éduquer et grandir, ils n'ont pas, ils ne portent pas l'encrier et la plume, ils ont délaissé les feuilles et la plume, laisse-les de côté, ne t'occupe pas d'eux, ils sachent que ce sont des vents à rien. Ils ont échangé les grandeurs par la folie. Ils ont échangé la grandeur par la folie. وَأَجْمَلْ مِنْ هَذَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أجمل من هذا وأحسن منه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et plus beau que ça, et plus important que ça, la parole du messager عليه الصلاة والسلام. الذي حتى الشباب على التفقه في الدين. ومرحلة الشباب أخ الإسلام من أخصب مراحل العمر في الحياة. فإذا فرط فيها صاحبها كان لما سواها أضيع. والذي ينظر في دواوين السنة النبوية يرى كثرة الأحاديث المتضمنة لذكر مرحلة الشباب والحاتة على استغلالها. Et la période de la jeunesse, c'est une période fertile dans la vie de l'homme et de la femme. Bah, si la personne, qu'il soit l'homme, un homme ou une femme, néglige sa jeunesse, il la perd, pas pour le reste, il va être perdant dans le reste. Et celui qui feuillette les livres de la sunna, il voit combien sont nombreux les hadiths. Les hadiths qui parlent de la jeunesse et qui incitent la jeunesse et qui incitent les gens à profiter et à bien utiliser la période de la jeunesse. من ذلك ما خرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله فعد منهم شابا نشأ في عبادة الله. في partie de ça, de ces hadiths qui te montrent l'importance de la jeunesse. Ce hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, rahimahumullah ta'ala. Ou Abu Huraira de nous dire, sept seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il n'y aura pas d'ombre. C'est le jour de la résurrection. Un imam juste, un gouverneur juste, et un jeune qui a grandi dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment il peut grandir dans la bonne obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, la bonne adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en apprenant. En apprenant la vie des puissants d'Allah alayhi, en voyant comment ils ont pratiqué cette religion, etc. Tu vois dans le hadith, dans les sept, il a compté le jeûne. وكذلك في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فانظر كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بالشباب ويبين لهم كيف يتحصنوا حصنوا فروجهم. Ah. Donc Allah Azza wa Jal fait partie aussi de ça. Regarde comment ton messager s'est occupé de la jeunesse de la communauté. Dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit: Oh jeune, celui qui a les capacités pour se marier, qu'il le fasse. Parce que c'est mieux pour son regard. Il va être chaste au niveau du regard. Et il va protéger sa partie intime. Et ça va être une protection pour sa partie intime. Et celui qui ne peut pas, qu'il jeûne, ça va être une protection pour lui. Et dans ce hadith, tu vois que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam incite qui ? Il s'occupe de qui là ? Il s'occupe de cette jeunesse. Il lui montre le chemin pour être préservé de la tentation. Et comment se préserver de la tentation ? Kadalika. C'est pour ça que tu vois tous les mouvements qui existent. Politique, réforme, bas, hein, il s'adresse à qui? À la jeunesse. Hein? ومن ذلك أيضا ما أخرجه بعض أصحاب السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد أو قدم ابن آدم يوم القيامة من عند الله حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه كما رواه الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له. Comme il est rapporté chez l'imam Tirmidhi, le jour de la résurrection, tout un chacun de nous ne va pas se déplacer devant Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il ait répondu sur 5 questions. Et parmi les choses, les 5 questions, il y a sa vie, l'âge qu'il a eu, où est-ce qu'il l'a passé, comment il l'a passé, comment il a terminé cette vie. Et il a dit, et sa jeunesse, comment il a terminé sa jeunesse, qu'est-ce qu'il a fait de sa jeunesse? Est-ce que ta vie, ta jeunesse ne fait pas partie de ta vie? Certes. Enfant, et ainsi de suite, tu y arrives. Tu passes par la jeunesse pour arriver à l'alcool et après à la vieillesse. Et pourquoi il a... Il était dans le général, dans l'âge de la personne en général, et il a sorti, il l'a mis en particulier pour attirer l'attention sur cette partie-là, qu'il est très importante, qu'il ne faut pas la passer n'importe comment. Puis c'est la partie où tu peux apprendre, où tu as des capacités pour assimiler, et Allah subhanahu wa ta'ala t'a doté de choses qui sont très fortes, qu'il faut utiliser dans le bon sens. Et pour acquérir ce qui va te prévaloir, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le delà est dans ce bas monde. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه فيما أخرج البغدادي رحمه الله تعالى في شرف أهل الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتيكم شباب من أقطار الأرض وفي رواية ليتفقهوا في دين الله يطلبون الحديث فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا فإنهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abu Sa'd, regarde cette partie dans laquelle tu es à l'islam, cette jeunesse dans laquelle regarde l'importance que lui a donné le messager alayhi salam. Et dans ce qui est rapporté par le Baghdadi dans l'honneur des hommes du hadith, il va arriver vers vous des jeunes de différents pays dans une version pour apprendre la religion d'Allah et pour comprendre la religion d'Allah, pour demander le hadith. Quand ils arrivent vers vous, soyez bons avec eux, parce que c'est l'ordre du messager alayhi salam. Cheikh Nasser rahimahullah a authentifié son expression, ils vont apprendre la religion. وكذلك ما جاء في الصحيحين عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه وارضاه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده نحو من 20 ليلة انظر انت كيف عني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر هؤلاء مع عظم مسؤوليته صلوات ربي وسلامه عليه. Et si l'on est de ces hadiths qui est rapporté par dans les authentiques de l'Huwayrit, d'Ibn al-Huwayrit Malik radiyallahu anhu arda, il dit nous sommes arrivés vers le prophète, nous étions des gens qui sont arrivés chez le prophète alayhi salam. Nous étions 20 jeunes, une délégation de 20 jeunes qui est arrivée chez le prophète alayhi salam. Et nous sommes restés avec lui. Nous étions des jeunes qui sont arrivés vers le prophète alayhi salam, nous sommes restés chez lui 20 nuits. Regardez, les hommes du hadith disent, regardez l'importance, malgré les préoccupations du prophète alayhi salam, qu'il doit s'occuper de l'armée, il doit s'occuper des délégations qui arrivent, il s'occuper de beaucoup de choses, l'importance qu'il a donnée à ces jeunes, et il les a encadrés pendant 20 jours. فَقَالْ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلًا وَكَانَ بِنَا رَحِيمًا رَفِيقًا فلما رأى شوقنا إلى أهلينا فهم صلى الله عليه وسلم ذلك بقرائن أحوالهم كما قال أهل العلم وقال لهم ارجعوا إلى أهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤدن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم وفي لفظ آخر عند البخاري زاد وصلوا كما رأيتموني أصلي. Et Malik ibn al-Huwayrit, il dit, nous sommes restés 20 nuits chez le messager, alayhi salam. Et il était clément et doux avec nous. Et quand il a vu que nous avions envie de retourner chez nous et retrouver nos familles, les hommes de science disent, il a, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, capté sur ça par les signes qu'il a vus d'eux et les actes qu'ils faisaient, etc. Il a senti que maintenant, ils avaient envie de retourner chez eux. Il leur a dit à ce moment-là, retournez chez vous, retournez dans vos familles et accomplissez et enseignez-leur, c'est-à-dire qu'ils doivent leur enseigner ce qu'ils ont appris chez le messager alayhi sallam, et ordonnez-leur. Il leur donne quoi? Ce qu'il leur a ordonné Rasoul sallallahu alayhi sallam. Et quand la prière arrive, quelqu'un parmi vous fait la dan, et le plus grand parmi vous, c'est lui qui fait, qui se met devant pour faire la prière. Et dans une autre version chez l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, et priez comme vous m'avez vu prier. Priez comme vous m'avez vu prier. Regardez, malgré les responsabilités du messager alayhi salam, comment ils sont occupés, comment il a capté, à quel moment il a capté qu'ils avaient besoin, qu'ils ont l'envie de retourner chez eux, comment il les a fait, et les conseils qu'il leur a donnés, cela te prouve l'importance de la jeunesse. L'importance de cette période de la vie que tu ne dois pas brûler, comme ils disent, brûler la chandelle par les deux bouts. Abadan akhal islam. Si tu dois la brûler par les bouts, au moins dans la demande de la science, de la législation, au moins dans l'apprentissage du Coran, dans l'apprentissage de la sunna, dans l'apprentissage de la voie du tipizayel. Et pas dans les futilités. أخي الإسلام قراءة يجب علينا أن نقرأ في تراجم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان. ماذا أخي الإسلام؟ إن القراءة في التراجم عامة وفي سير أهل العلم خاصة من الأسباب النافعة، بل هي من القربات الجامعة لخير كثير لطالب العلم والباحث عن الحق. Allah Azza wa Jal, il est de notre devoir de lire la biographie de nos plusieurs d'Allah Alim en général. Et la biographie en particulier des hommes de science et à leur tête les nobles compagnons de Muhammad alayhi sallallahu alayhi sallam. C'est l'origine de cette science qu'ils ont héritée de Muhammad alayhi sallallahu alayhi sallam. C'est par eux que ça est passé. La fin de la chaîne, c'est un compagnon avant d'arriver au messager alayhi sallallahu alayhi sallam. Parce que c'est l'une des causes bénéfiques. Et c'est un acte avec lequel tu peux augmenter ta foi. Les hommes de science font que c'est l'une des cinquièmes choses qui augmente la foi, c'est le fait de lire la biographie des nobles ayyur radhiyallahu anhum. Parce que il te montre, malgré ce que tu fais, quand tu regardes la vie d'un plus ayyur, vois que tu es négligent. Que ce que tu as fait par rapport à ce qu'a fait Abu Bakr, ou Omar, ou Uthman, ou l'imam Malik, ou l'imam Ahmed, ou autre, c'est rien du tout. Donc, tu ne deviens pas un but de toi. Hein? Et tu reviens à ta place. Et tu essaies de vrai pour marcher. Parce que plus tu ouvres dans l'obéissance, plus ta foi va augmenter. Hein? Walida, tara, al-mi'at, bel-alaf, min kutubi tarajim. سواء المرتبة حسب التاريخ الزماني أو طبقة الفقهاء أو طبقة القراء Et c'est pour ça que tu vois des centaines, sinon des milliers de livres de biographie, soit selon la période, selon une période bien précise, trouve des recueils qui s'occupent que des hommes de science, ou là des lecteurs du Coran, ou là des hommes du Hadith de cette période. Soit par génération, la génération du Hadith, la génération, chaque génération toute seule, la génération du Fouqa, etc. Et tu trouves des biographies ainsi. Hein? Soit selon les spécialités scientifiques. Hein? Les générations des exégètes, les générations des hommes du Hadith, les générations de la jurisprudence et ainsi de suite. Tu crois que tout cet héritage que tu as eu, il est fait comme ça en vain? Abadan, akhal islam. Abadan, ne puisait d'Allah, ils ne faisaient rien pour rien. Tout ce qu'ils avaient accompli, c'est pour quelque chose. Hein? والقراءة في التراجم وبالتحديد في تراجم أئمة السلف رضي الله عنهم وهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان هذا يبعث العزيمة في النفس ويشحد الهمم ويقوي عند الإنسان جانب الطلب هنا الله عز وجل il le fait de lire dans la biographie de nos puiseurs de Allah عليهم Et les imams de ne plus être d'Allah alayhim, qui à leur tête, les nobles compagnons d'Allah alayhim, et ceux qui les ont suivis à la perfection, ceci fait naître dans la personne l'envie d'apprendre et la force pour faire plus d'efforts. Et renforce le côté de la demande chez la personne. قال بعض السلف رضي الله عنه ورحمه الله تعالى وغفر له القراءة في سير الرجال أحب إلي من كثير من الفقه وهذا القول يؤتل عن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وغفر له ومراده رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم أن الفقه يؤخذ من نقلة الثقات وهم أولئك الفحول من أئمة العلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم رحمهم الله تعالى وغفر لهم Certains de nos aïeurs, radhiyallahu alayhim, disent que le fait de lire dans la biographie des hommes est mieux pour lui que beaucoup de lire dans les livres du fiqh, de la jurisprudence. Cette parole, on la rapporte à l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Et les hommes de science disent que ce qu'il a voulu dire avec l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, c'est que la jurisprudence se prend des dînes, des hommes dînes. Hein? Et les dînes, c'est qui? Ce sont les imams de cette communauté qui sont les nobles compagnons et ceux qui étaient à la perfection sur leur voie. Radiallahu anhu wa ardhahum. Fassahabatu kama taqaddama ma'ana afdalu jaylin ba'da al-anbiya'i wal-mursalin. Et comme il est passé avec nous, les nobles compagnons, radiallahu anhu, sont les meilleurs, la meilleure génération humaine après les prophètes et les messagers d'Allah, Azza wa Jal. وَلِذَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي عَدِّ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَنَّ نَبِيَهَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَنَّ كِتَابَهَا أَفْضَلُ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ قَالُوا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَنَّ صَحَابَةَ نَبِيهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَفْضَلُ أَصْحَابِ الْأَنْبِيَاءِ فَيَكُونُ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الْمَرْتَبَةِ فِي الْفَضِيلَةِ الْبَشَرِيَةِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فهنا الله عز وجل C'est les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam, sont les meilleurs de l'humanité après les prophètes alayhi salatu salam. Certains nombres de sciences ont cité les particularités, les vertus particulières de cette communauté de Mohammed alayhi salatu salam. Ils ont dit que le messager de cette communauté est le meilleur des messagers alayhi salatu salam. Le livre qui a été révélé à cette communauté est le meilleur livre qui est descendu sur un prophète alayhi salatu salam. Et si le prophète de cette communauté est le meilleur de l'humanité et le meilleur des prophètes, et son livre est le meilleur, ça veut dire que les nobles compagnons de ce prophète sont les meilleurs de la communauté humaine après les prophètes alayhi salatu salam. Wa hada al-jayl bi hadhihi al-martabati al-ghaliya wa ad-darajati ar-rafi'a يجب أن نقتبس من سيرته العثرة وأخباره الزكية المواقف المشرفة لكي نقتدي آثارهم ونكون مثلهم ونتشبه بهم رضي الله عنهم وأرضاهم puisque cette génération il en est ainsi de cette génération il est obligatoire pour nous de connaître la biographie de ces nobles et surtout les grands parmi eux, les grands khalifs et les autres aussi, pour pouvoir voir leur position et pour pouvoir les suivre et agir, inshallah, essayer de les imiter. On ne peut pas être comme eux, mais au moins les imiter et essayer de comprendre et d'agir dans des situations comme ils ont agi, radiyallahu anhu wa ardahu. مرة كم من الوقت الآن؟ ساعة وثلث. فنقف إن شاء الله عند هذا الحد. وسبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله خيرا.